guettant la première étoile. C'est venu impossible, c'est l'âme derrière le topo que tira les domestiques à la tombée de la nuit. D'ailleurs, c'est un mot muet que le temps exorcisait, comme celui d'un Capulet, il s'intériorise. Si tu savais, Véronne, et le lierre qui tombait, encadrant la muraille d'une terrasse verdoyante. Et ses tours à l'eau loin,